الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا ودراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وتعالى خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال الله جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون غيره به وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا قال جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وقال جل وعلا أفغير الله أبتغي حكما وقال جل وعلا قل أغير الله أبغي ربا قال المصنف فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله فلو قال رب لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله أنه المحبوب وأنه المحبوب لاجتماع صفة الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون. Donc on va continuer, inshallah, sur l'étude et l'explication et la lecture de Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Donc on a avancé un peu dans la lecture du matn. Lorsque je dis le maître, vous avez compris maintenant de l'œuvre, de l'écrit et de ce que nous transmet l'auteur, l'imam al-Maqrizi, on a avancé un peu. Pourquoi ? Parce que c'est le même sujet qu'on va étudier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça sera un peu plus simple que les passages qu'on a étudiés dans la dernière assise. Les passages qu'on a étudiés dans la dernière assise, les termes étaient un peu plus subtils et le sujet très pertinent et ça demandait une compréhension et de développer le sens de la transmission des paroles. Lorsqu'on dit la transmission, naql, naqala al-shaykh, al-mu'allif huna, kalam, c'est-à-dire que l'auteur ici a transmis des paroles d'autres, tirées de d'autres livres et d'autres œuvres qu'il fallait expliciter. Donc on reprend. Après que l'auteur ait cité Maqam al-Siddiqin, وَهَذَا تُوحِينَ مَقَامَ السِّدِّقِينَ كَمَا قَالَ. Après qu'elle ait cité le degré du monothéisme des véridiques. Donc ici, c'est une catégorie qu'il appelle le monothéisme des siddiqines, que nous on traduit de manière littérale, des véridiques. Il a cité le monothéisme des véridiques après avoir cité la catégorie des gens du commun, des gens de la masse. Donc il a cité le monothéisme des gens de la masse et on avait appris à travers des paroles de grands savants musulmans qui disent que les gens de la masse, le monothéiste du commun, lui, il suffit qu'il prononce la parole « La ilaha illallah », comprend le sens, réalise le sens de celle-ci et voit un culte pur à son créateur pour être considéré comme monothéiste. Mais qu'il n'y ait pas une condition qu'il s'approfondisse, qu'il soit immensément ancré dans cette science de sorte qu'il connaisse tous les détails, les ambiguïtés autour du domaine et tout ce qui est lié et relatif à ce domaine. Ça, c'est le degré des savants, des gens doués de clairvoyance, qu'il appelle ici Maqam Siddiqin. Lubab al-Tawhid, lorsqu'il parle de Lubab al-Tawhid. Donc ça, c'est en résumé ce qu'on a appris dans la dernière assise. Donc l'auteur, après avoir cité « Wahad al-Tawhid maqam al-Siddiqin » et ça, c'est le monothéisme du degré des Siddiqin, des véridiques. Il dit « Wala raib anna tawhid al-Rububiyya lam yunkirhu al-Mushrikun » et il n'y a point de doute que le monothéisme ou l'unicité de la Seigneurie, les polythéistes arabes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'ont pas renié. Donc maintenant, on va traiter ce sujet-là. Et vous allez voir que j'ai continué dans la lecture. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de l'auteur est très pertinente. Et les propos de l'auteur concernant ce sujet-là, comment il va développer cela avec ce naql de Kalam de l'Ulama et ce qu'il rédige ici dans son œuvre, là, il va vraiment développer cette question-là. Le fait que les polythéistes de l'époque du prophète, ensemble, n'ont pas renié l'unicité de la seigneurie. Et donc la seigneurie du Créateur, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc dans les assises précédentes, on avait expliqué le sens de la seigneurie et de l'unicité de la seigneurie. Pourquoi ? Puisqu'au début de l'œuvre, l'auteur a fait allusion, premièrement, a fait une brève explication sur Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya. Donc j'ai continué dans la lecture de l'œuvre. Pourquoi ? Parce que l'auteur va traiter cette question de manière très pertinente. De sorte qu'il dit « Alors il n'y a point de doute que l'unicité de la seigneurie, les polythéistes ne l'ont pas renié. « Qala, bel aqarru bi annahu subhana wahdahu khaliquhu » Bien au contraire, il dit, ils ont professé cela. Ils ont reconnu cela. Que Allah subhanahu wa ta'ala était bien leur créateur. Wa khaliqu as-samawati wal ard. Et le créateur des cieux et de la terre. Al-qa'imu bi masalih al-alam kullihi. Et que c'est lui qui a pris en charge l'intérêt de tout cet univers. Wa masalih al-alam kullihi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en prend en charge tout cela. Alors il dit ensuite, eux n'ont pas renié tout cela, au contraire, ils ont reconnu tout cela. وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا تَوْحِيدَ الْإِلَهِيَّ وَالْمَحَبَّةِ. Il a regardé ce qu'il dit, concentrez-vous bien, il va citer ensuite deux termes par rapport à ce qu'ils n'ont pas reconnu. Il dit par contre ce qu'ils n'ont pas reconnu, ce qu'ils ont désavoué, les polythéistes arabes du temps pré-islamique, de l'Jahiliya, et ça c'est très important de l'étudier, de le comprendre, pour comprendre l'appel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Celui qui ne connaît pas, comme on l'avait déjà relaté et fait le rappel sur cela, qui ne connaît pas la situation des gens et des polythéistes à l'époque de Jahiliya, du temps pré-islamique, alors il va avoir des déficiences dans la compréhension de l'appel. Et ça aura des conséquences dans sa compréhension du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur dit وَإِنَّمَا أَنْكَرُوا تَوْحِيدَ الْإِلَهِيَّ وَالْمَحَبَّةِ. Qu'est-ce qu'ils ont en réalité désapprouvé et renié? C'est l'unicité de la divinité, l'unicité de l'adoration et l'amour. L'unicité de l'mahabba, de l'amour. Et regardez bien, l'auteur va insister sur ce terme, al-mahabba. Et ce n'est pas en vain. Il y a une très belle faïda ici à tirer. Donc il dit, qu'est-ce qu'ils ont renié en fait? C'est tawhid al-ilahiyya wa al-mahabba. كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Et il va très bien mettre cela en avant lorsqu'il cite le verset 165 de la sourate Al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à leur sujet, et il y a dans une traduction relative du sens du verset, et il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des semblables, en les aimant comme ils aiment Allah. Mais ceux qui ont cru ont un amour plus fort pour leur créateur, pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une traduction littérale du verset 165 de la sourate Al-Baqarah. Ici, les savants disent, dans l'interprétation, l'exégèse de ce verset, « قَالُوا الْمُوَحِّدُونَ أَحَبُّ اللَّهَ وَحْدَهُ فَقَطْ وَلَمْ يُحِبُّ مَعَهُ غَيْرَهُ مَحَبَّةَ عِبَادَةَ وَذُلْ وَخُضُعَ والمشركون يحبون الله ويحبون معه غيره ولذلك قال الله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله. Donc ça c'est l'explication dans Ifadat al-Mustafid fi Sharh Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Donc là l'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit dans l'explication de ce verset, il dit al-muwahhidun ahabbu Allah wahdahu faqat. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce verset? Allah cite les croyants en disant que eux, les croyants, ont un amour encore plus fort pour Allah subhanahu wa ta'ala. On voit bien ce qui est cité ici, c'est le hubb, al-mahabba. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que l'auteur, regardez, ici, le tawhid al-ilahiyya, l'unicité de l'adoration, et il complète cela, il y a un complément, wa mahabba. Et dit, et l'unicité de l'amour, en quelque sorte. Et il cite le terme al-mahabba. Et d'une manière très judicieuse, ensuite il y a la citation de ce verset. Puisqu'Allah Azzawajal nous parle donc des polythéistes arabes à l'époque. Allah nous dit à leur sujet, il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des semblables. Ici le terme en arabe qui est cité dans le verset, andada, annid, c'est un égal, un rival, un semblable. Comme le dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du shirk, c'est le fait de prendre un semblable alors qu'Allah l'a créé. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. C'est que tu attribue à Allah un égal alors que lui, il t'a créé. Et ça, il faut l'apprendre par cœur. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Ça, c'est le polythéisme. Qu'est-ce que le polythéisme ? C'est que tu donnes un égal, un semblable à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il t'a créé. Ici, ce semblable, dans le verset, il est dit, c'est au niveau de l'amour. Un égal à Allah au niveau de l'amour. Allah dit que ils ont pris des semblables à Allah en les aimant plus qu'ils ont aimé Allah. Et là, il y a un point très pertinent que mettent en exergue les savants. Ils disent, on comprend bien, donc qu'ils aimaient Allah. Ils avaient de l'amour pour Allah. Les polythéistes arabes de l'époque de l'Jahiliya. Allah ne nie pas qu'il ne l'aimait pas. Ils aimaient Allah. Donc ils avaient le hub pour Allah. Sauf que, en aimant Allah, ils aimaient Allah. Il n'est pas nié dans le verset qu'ils n'aimaient pas Allah. Il n'est pas dit ça. Ou plutôt, il n'est pas nié qu'ils n'aimaient Allah. Qu'ils aimaient Allah plutôt. Mais ce qui est dit, c'est qu'ils ont aimé avec Allah autre que lui. Et ça, c'est l'une des interprétations, parmi les deux interprétations qui ont été mentionnées par rapport à ce verset. Mais Allah Azza wa Jal ensuite nous parle des croyants. Mais dit, eux, les croyants, ils ont un amour plus fort, plus ardent pour leur créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. قال شارح أو صاحب كتاب إفادة المستفيد في شرح تجريد التوحيد قال والموحدون حبوا الله وحده فقط ولم يحبوا معه غيره محبة عبادة وذل وخضوع. Pour cela, eux, les croyants, Allah les décrit comme étant ceux qui aiment Allah plus que tout. Et ils n'associent pas autre que lui dans cet amour. Il n'associe pas Allah Azza wa Jal à un autre que lui dans cet amour, dans cette humilité, dans cette dévotion, cette révérence. Ce qu'on traduit, cette soumission, al-dhul wa al-khudu'a. Tandis que les polythéistes, eux, yuhibbuna Allah wa yuhibbuna ma'ahu ghayrahu. Tandis que eux, les polythéistes, à l'inverse, ils ont aimé Allah Azza wa Jal, mais ils ont aimé des semblables. Avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils les ont aimés comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'auteur a cité cela. Et pourquoi on insiste sur cela. Et les savants, les grands savants musulmans, insistent sur ce point. Vous allez voir la faïda. L'élément qui sort et qui ressortira de cela. قال أي المؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لله. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? Que les croyants, eux, ont plus grand amour que les polythéistes. Un plus grand amour d'Allah Azza wa Jal que les polythéistes. قال فَلَمْ يُخْلِصُوا لَهُ فِي الْمَحَبَّةِ. Et donc, on voit que les polythéistes n'ont pas été sincères dans leur amour avec Allah subhanahu wa ta'ala en aimant des semblables, comme ils aimaient Allah Azza wa Jal. وَأَمَّا أَهَلِ التَّوْحِيدِ وَالْمُسْلِمُونَ فَقَدْ أَفْرَدُ اللَّهَ بِالْمَحَبَّةِ أَلَّتِي هِيَ مَحَبَّةُ الْعِبَادَةِ. Tandis que eux, les croyants, les musulmans, eux, vouent un culte pur et exclusif et un amour pur et exclusif à leur créateur, sans qu'ils soient mêlés, de sorte, sans qu'ils aiment autre que leur créateur, des semblables comme ils aiment leur créateur. Cet amour-là, par contre, c'est un amour spécifique. Cet amour-là, c'est un amour spécifique. C'est ce qu'on appelle mahabbatul ibada. Mahabbatu ibada. C'est ce qu'on appelle l'amour d'adoration. L'amour d'adoration. C'est spécifique. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres formes et genres d'amour. Il y a l'amour naturel. L'amour d'un enfant envers sa mère. L'amour des parents envers leurs enfants. L'amour de l'époux envers son épouse. Ça, c'est des amours qui sont naturel. Donc il y a d'autres formes d'amour. Là, nous, on parle de la catégorie d'amour, mahabba, qu'on appelle mahabbatu ibada, l'amour d'adoration. Cet amour d'adoration, qui est sous-entendu dans le verset, n'est voué qu'au Créateur, subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas donner des associés à Allah Azza wa Jal dans cet amour. En aimant autre que lui d'un amour d'adoration, comme on l'aime. Cet amour-là n'est que pour notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. قال من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله فالمشركون يحبون مع الله اصنامهم لانهم ما عبدوها الا لانهم يحبونها محبه العباده. Et regardez ce qu'il dit, l'auteur de Ifadat al-Mustafid. Il dit, et donc les polythéistes à l'époque, ils adoraient des divinités, des fausses divinités. Quand ils adoraient ces fausses divinités, pourquoi ils les ont adorées? Parce qu'ils les aimaient. Ils ont adoré ces divinités, لِأَنَّهُمْ مَا عَبَدُوهَا إِلَّا لِأَنَّهُمْ يُحِبُّونَهَا مَحَبَّةَ الْعِبَدَةَ. Parce qu'ils les ont aimés, mais d'un amour spécifique. Quel est cet amour? Cet amour qu'on vient de citer, d'un amour d'adoration. C'est pour cela qu'ils leur ont voué adoration à ces divinités. Ensuite, l'auteur dit, et écoutez bien, pour bien suivre ce que dit l'auteur. فَلَمَّا سَوْ غَيْرَهُ بِهِ فِي هَذَا التَّوْحِيدِ كَانُوا مُشْرِكِينَ. Regardez. Donc l'auteur ensuite dit, lorsque ils ont donné un semblable à leur créateur, فِي هَذَا التَّوْحِيدِ, dans cette unicité, c'est-à-dire de l'amour, de l'adoration, puisque l'amour est une adoration. C'est pour ça qu'on l'appelle mahabbatul ibada. Lorsqu'ils ont donné un semblable, un égal à Allah dans cet amour d'adoration, kanu mushrikin, ils ont été considérés comme polythéistes. Kama qala Allahu jalla wa ala, et l'auteur maintenant va citer un autre verset, il dit, comme Allah nous a dit dans un autre verset, Alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Alhamdulillah, traduction littérale du verset 1 de la sourate Al-An'am, des bestiaux. Louange à Allah qui créa les cieux et la terre, wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, et a fait les ténèbres et la lumière. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Ensuite, ceux qui ont mécru donnent des semblables au Créateur. Dans une traduction relative du sens du verset. أي يسوون به غيره. قال الله جل وعلا وهم بربهم يعدلون. C'est-à-dire, Allah nous dit dans le verset, louange à celui qui a créé les cieux et la terre, et qui a émis les ténèbres et la lumière, mais ensuite il dit qu'il y en a qui lui ont donné des semblables. Qui lui ont donné des semblables. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Dans un autre verset, dans le verset 150 de la même sourate, sourate des bestiaux, Allah dit, et il donne des semblables à leur Seigneur. À leur Seigneur. En lisant la suite, on va avancer. Vous allez comprendre le raisonnement. Qu'est-ce que vous nous enseignez l'auteur à travers ces paroles? Qu'est-ce qu'il veut dire? وَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ كَيْفِيَّةَ مُبَايَنَةِ الشِّرْكِ فِي تَوْحِيدِ الْإِلَهِيَّةِ وَأَنَّهُ حَقِيقٌ تَعَالَى بِإِفْرَادِهِ وَلِيًّا وَحَكَمًا وَرَبًّا. Et donc, ensuite, l'auteur nous dit, alors, ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné, ou plutôt il a enseigné à ses serviteurs kafiyat mubayanat ash-shirk fi tawhid al-ilahiyya wa annahu haqiqun ta'ala bi ifradihi waliyan wa hakaman wa rabban subhanahu wa ta'ala. Il va nous enseigner donc, Allah azza wa jal nous a enseigné comment distinguer entre le domaine du polythéisme, de l'association et le domaine de l'adoration. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui convient de prendre seul comme protecteur, juge et seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Jalla Jalalu. Et précédemment, regardez ce qu'on a appris précédemment. Et c'est ce que va enseigner le shir dans ce qui arrive. Beaucoup, et on parle des gens, des membres de notre communauté, beaucoup de musulmans pensent que le sens de la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a point de seigneur véritable si ce n'est Allah. C'est ça qui va être expliqué. Donc on l'explique préalablement, comme ça on va pouvoir avancer ensuite dans la lecture. C'est-à-dire que ce qu'on va lire, vous l'aurez compris. Et on pourra avancer dans la lecture. Beaucoup pensent que la ilaha illallah, c'est ce que va expliquer l'auteur, pensent que le sens de l'ilah, c'est Rabb, c'est le Seigneur. Donc le fait de dire la ilaha illallah, c'est il n'y a point de Seigneur véritable si ce n'est Allah. Et donc que l'unicité, que le tawhid, pour être monothéiste, c'est de reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or ici, dans ce verset qui a précédé, lorsqu'Allah azza wa jal parle des polythéistes du temps pré-islamique, Allah dit, et il y a des gens qui prennent en dehors d'Allah des semblables en les aimant comme ils aiment Allah. Il n'est pas dit qu'ils ont reconnu un autre seigneur que lui. Mais là, ce qui est cité, c'est une forme d'adoration. C'est ça qu'on a appris précédemment. C'est ça l'élément qu'il faut tirer de ça. Regardez, Ad-Dali, la preuve qu'a cité l'auteur. C'est-à-dire que ce qui leur est reproché, c'est d'avoir aimé d'un amour d'adoration autre qu'Allah, comme ils aimaient Allah. Donc il n'est pas nié le fait qu'ils aimaient Allah subhanahu wa ta'ala, mais en aimant d'un amour d'adoration autre que lui, ils ont pris un semblable à Allah azza wa jal. C'est le domaine de l'adoration ou de la seigneurie ? De l'adoration, il n'y a aucun doute. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui a fait d'eux des polythéistes ? C'est le fait qu'ils aient donné un semblable à Allah, fi al-ubudiyya, dans l'adoration. C'est pour ça que traduire al-ilah par le Seigneur, ce n'est pas complet. De dire la ilaha, la rabb illallah, il n'y a, ou de dire il n'y a aucun dieu que Dieu, ou il n'y a point de Seigneur véritable si ce n'est Allah, ou comme vous allez trouver dans certains livres répandus, une définition de la ilaha illallah qui est répandue dans la théologie dialectique, inda ulama al-kalam, wa inda al-ash'ariyya, qui disent la ilaha illallah, bimarna la mukhtali'a illallah, la qadir, ou sinon ils disent la qadira ala al-ikhtira' illallah, nul capable à la création si ce n'est Allah. On voit qu'ils sous-entendent tous la seigneurie. C'est pour cela que pour les adeptes de la théologie dialectique ou pour les adeptes de cette pensée-là, pour eux, le polythéisme se résume à donner un associé à Allah azza wa jalla dans le domaine de la seigneurie. De dire qu'il n'y a un autre créateur qu'Allah, qu'il n'y a un autre qui pourvoit la subsistance avec Allah. De lui donner un partenaire, un associé dans sa seigneurie. Pour eux, hadha huwa shirk. Mais pour eux, pas forcément dans le domaine de l'adoration. Vous comprenez ? De ce fait, c'est ça que exprime l'auteur. Et juste, et c'est très pertinent, pour ceux qui ont déjà lu des livres de Tawhid, on voit bien que l'auteur le fait d'une manière très simple, résumée et très simple, en mentionnant ce verset, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » Ce verset est immensément clair. Et c'est une très belle faïda, les arbab Tawhid. L'imam yuhib masail at-tawhid. Ensuite, regardez, il va parler maintenant de la clarification de la distinction qu'il y a entre le domaine de l'association et le domaine de l'adoration. Le domaine de l'adoration. Et là, on va essayer d'avancer parce qu'il y a une très belle faïda. Très belle faïda à tirer. Donc, on va essayer d'avancer. Qala. Il dit donc véritablement, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les versets à cela, est seul à être considéré et être pris comme protecteur, wali, hakaman, wa rabban, juge et seigneur. Et il va citer les versets lorsqu'Allah dit, dois-je prendre un autre qu'Allah comme protecteur? Ou Allah subhanahu wa ta'ala cite un autre verset, afaghayrallahi abtari hakaman, dois-je désirer un autre qu'Allah comme juge? Ou dans un autre verset, une traduction relative, où Allah dit, dois-je désirer un autre qu'Allah comme seigneur, alors qu'il est le seigneur de toutes choses? Subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est le seigneur de toutes choses. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيتي ولو وحد ربوبيته. Regardez ce qu'il dit. Il dit donc qu'il n'y a nul wali. Vous avez vu les trois termes qu'on a cités? C'était la traduction du terme wali, hakam, rabb. Vous avez vu ces trois termes? Apprenez-les. Wali, hakam, rabb. Il n'y a pas d'autre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. الذي من عدل به غيره فقد اشرك. Et donc celui qui lui donne un semblable dans cela. Celui qui lui donne un semblable dans cela, dans le wilaya, dans le hukm, dans ar-rububiyya, celui qui donne un semblable à Allah Azza wa Jalla dans cela a commis acte de polythéisme. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت في الخلائق مؤمنها وكافرها. Regardez ce qu'il dit l'auteur. Il dit l'unicité de la Seigneurie, c'est sur cette unicité que les gens se sont unis, croyants et non-croyants. Ça, c'est pour ça que j'avance, parce que là, les expressions sont claires. Ensuite, il dit فتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. Par contre, à la croisée des chemins entre ces deux formes d'unicité, quand est-ce que les chemins, ensuite, se séparent? C'est lorsqu'on rentre dans l'unicité de l'adoration. Là, les chemins se séparent. On peut reconnaître la Seigneurie comme ça a été reconnu par des peuples anciens, mais dès qu'il y a eu le sujet de l'Ubudiyya, de l'adoration, les chemins se séparent. Alors que l'auteur dit « Fitohid al-Rububiyya », alors les hommes, croyants ou non-croyants, se sont unis dans cela. Les polythéistes arabes à l'époque, dont le prophète est envoyé, reconnaissaient qu'Allah était le, comme on le verra, et comme on l'a déjà dit, était le créateur de toutes choses, celui qui pourvoit la subsistance. Le peuple de Nuh, alayhi salam, et beaucoup de peuples vers qui les prophètes ont été envoyés, la divergence qu'il y avait entre les prophètes et leur peuple, c'était sur l'adoration. C'est pour cela que la preuve à cela, elle est dans le Coran, si on lit et on médite. Pourquoi les prophètes, la preuve est que les prophètes, à chaque fois qu'ils étaient face à leur peuple, qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qui est dit dans les versets? U'abudullah, ma lakum min ilahin ghayru. U'abudu Allah, ma lakum min ilahin ghayru. Qui est-ce qui disait ça? Allah nous informe au sujet de la parole de différents prophètes. Et les prophètes, il est dit dans le Coran, lorsqu'ils étaient envoyés à leur peuple, ils disaient à leur peuple, « Ô mon peuple, U'budullah, adorez Allah, malakum min ilahin ghayru, qu'avez-vous à prendre une autre divinité, un autre adoré que lui ?» On voit donc le message des prophètes. C'était adorer Allah. C'était ça. Et c'est pour ça qu'il est dit, très bien dit, à la croisée des chemins entre ces deux formes d'unicité. C'est-à-dire, quant à l'unicité, l'auteur dit, quant à l'unicité dans l'adoration, elle se situe à la croisée des chemins entre les croyants et les non-croyants. L'attestation de foi consiste à dire « La ilaha illallah ». Nul adoré véritable, nul ilah. El ilah, ce n'est pas que un rabb. Il y a rabb, le Seigneur. Il y a Al-Ilah. Al-Ilah, c'est le Ma'louh. Al-Ma'boud. C'est l'adoré véritable. C'est celui qui est digne d'adoration. On dit l'adorer véritable, pourquoi? Parce qu'en dehors d'Allah, il y a eu d'autres divinités qui ont été adorées. On ne nie pas cela. Sauf que cette adoration, elle est batila. Elle est fausse. C'est pour cela que la compréhension de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bi haqqin illallah. Wa ghayrullah il'ubida fa bi batil. Ça, c'est la définition qu'il faut apprendre, que les savants nous enseignent. Ils donnent al-ilah. Wa al-ilah. C'est dhul uluhiyya. C'est celui qui détient al-uluhiyya. Et ça, cette définition que al-ilah, c'est dhul uluhiyya, comme on verra dans l'explication du nom Allah. Allah. D'où est dérivé le terme. Dérive le terme. Ilah. Ilah. C'est dhul uluhiyya. Celui qui détient al-uluhiyya. Alors regardez, l'auteur dit. فقد أشرك في الألوهية ولو وحد ربوبيته فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت في الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله ولو قال رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. C'est pour ça qu'il dit, l'auteur, littéralement, je vous traduis littéralement, c'est pour ça que la parole de l'islam, qui est la ilaha illallah, si la personne dit que la ilallah, c'est dans le sens, il n'y a point de seigneur véritable si ce n'est Allah, sa compréhension n'est pas conforme. Sa compréhension n'est pas bonne. Et il dit, lama ajza'hu inda al-muhaqqiqin, comme l'ont déclaré les spécialistes en la matière, les grands spécialistes. Fatawhid al-uluhiyya huwa al-matlub min al-ibad. Parce que ce qui est demandé des serviteurs, c'est l'unicité dans l'adoration. وَلِهَذَا كَانَ أَصْلُهُ الْإِلَهِ. C'est pour ça que la base du terme الْأُلُوهِيَّ الْإِلَهِيَّ vient du terme إِلَه. إِلَه. إِلَه, comme le dit l'une des grandes figures de la linguistique arabe, de la grammaire arabe, l'un des grands imams en grammaire arabe, c'est incontestable, l'un des grands personnages, l'imam Sibawayi, dit l'imam dans Nahu, dans la grammaire arabe, qui disait que, qui justement expliquait l'ilah comme cela, et comme c'était le cas aussi de ses disciples et ses compagnons. Il dit, sauf une partie qui ont dévié de cette voie. Qala, wa huwa qawl jumhur ashabi illa man shadda minhum. Ou plus littéralement, ceux qui ont une parole irrégulière concernant cela. Wa bihadha al-i'tibar alladhi qararna bihi al-ilah wa annahu al-mahboub. Il revient au terme. Et dit, et pour cela, et de cette considération-là, c'est pourquoi al-uluhiyya provient de la racine al-ilah. Ça, vous l'entendez, hein? Que al-uluhiyya, ça provient de la racine al-ilah. Et donc, qui signifie l'adorer. Comme l'affirme à raison là les disciples et les compagnons de Sibawayi. Ainsi, l'auteur dit, au regard de ce que nous avons établi au sujet du terme Al-Ilah, qui est le bien-aimé, pour avoir rassemblé tous les attributs parfaits, il convient d'établir que Allah, vous avez vu le nom de notre créateur, Allah, est le nom générique pour désigner tous les noms sublimes et les hauts attributs divins. Cependant, les associateurs à l'époque, les polythéistes du temps pré-islamique, niaient le nom Allah. Niaient le nom Allah. وَهُوَ الَّذِي يُنْكِرُهُ الْمُشْرِكُونَ. Ils avaient désapprouvé cela, les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le nom Allah, l'auteur, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit هو الاسم الجامع لجامع المعاني للأسماء الحسنى والصفات العليا. Vous avez vu tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et tous les attributs qui en découlent. Pourquoi on dit cela? Parce que asma Allah al-husna, tous les noms d'Allah sous-entendent sifa, des attributs. Tous les noms d'Allah. Allah huwa ar-Rahman. Donc ça sous-entend l'attribut de la miséricorde. Allah huwa as-sami', ça sous-entend l'attribut de as-sama'. Allah huwa al-qawi, ça sous-entend sifatul quwwa. Allah huwa al-qadir, ça sous-entend sifatul qudra. Donc, chaque nom sous-entend un attribut. Le nom Allah rassemble et englobe tous les noms et tous les attributs de perfection, tous les noms sublimes. Lorsqu'on dit Allahu, Allah c'est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Qadir. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les attributs qui sont sous-entendus à travers les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on affirme l'unicité de notre Créateur subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. وَهَذَا مَا يُسَّمَا بِإِثْبَاتِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ تَوْحِيدَ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ. Et donc là, c'est très pertinent. C'est pour ça, l'ofd al-jalala. L'ofd al-jalala, le nom de sa majesté, Allah subhanahu wa ta'ala, la yusamma bihi ghayrullah subhanahu wa ta'ala. On ne peut appeler une autre, ou un autre, on peut appeler un autre par ce nom. On ne peut pas, dans le sens. On ne peut pas appeler un autre qu'Allah par le nom Allah. Seul lui, subhanahu wa ta'ala, se nomme par ce nom Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, qui est Allah? Allah huwa al-ilah. Et pour cela, Allah il a envoyé des prophètes et des messagers. Sauf que, pourquoi les savants ont rédigé des écrits? Pourquoi les savants expliquent cela? Parce que, Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah, c'est des gens qui disent la ilaha illallah. Sinon, lorsque vous regardez par exemple le monde musulman, le shirk est présent ou il n'est pas présent? L'adoration d'Allah est présente ou elle n'est pas présente? Ou ça n'existe pas? C'est des khurafat? C'est des légendes? Ça n'existe pas? Ou bien c'est réel et c'est présent? C'est réel. Fizawiyat. Il y a bien des tombes et des saints qui sont adorés dans nos villages. Filbled. Ils adorent Al-Qabr, Sidi Fulan, Sidi Ibrahim, Sidi Abd al-Qadr, Sidi al-Jilani, etc. Ils adorent des amouat. Qu'est-ce qu'ils font عند القبور? Yadhbahoun. Al-Dhabh, Ibada. Ils adorent pour le Wali. Ils font Sadaqa pour le Wali. Il y a des Sahara. Il y a le Kahana. Il y a des mouchaouidines, il y a des tamaïm, des sihr, muntachir indana fi biladna. Idan, le shirk maoujoud ou ghir maoujoud? Ibadat al-amouat ou al-awliya maoujoud ou ghir maoujoud? Maoujoud. Pourtant, haoula alladhina sarafu l'ibadat al-ghirillah. Aujourd'hui, ceux qui voulent l'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bi'ibadat al-amouat, ou law kana sarihan, ولو كان إماما لو كان لو جاز أن نعبد صالحا لعبدنا الإمام إمام المتقين وقدوة المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير والتماثيل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولئك شرار الخلق عند الله من شرار الخلق الذين صوروا تلك التصاوير والتماثيل فعبادة غير الله موجودة عندنا في بلادنا لا يستطيع أحد يقول في بلادنا ما في وجود سحرة وكهنة ومشعوذين ولا وعبادة القبور والأصنام في المقابر إلى غيره. Personne peut nier cela. Pourtant, العجب العجاب أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله وصرفوا العبادة لغير الله هم يقولون لا إله إلا الله. وما فهموا ولماذا أجازوا عبادة الأموات وعبادة الأولياء؟ لماذا أجازوا هذا؟ لأنهم قالوا لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، وهذا غلط، وهذا غلط. حتى مشركي العرب المشركين أو المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا معنى لا إله إلا الله، عرفوا معنى لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أبوا. لماذا أبوا؟ لأنهم كانوا عابدين بالأصنام والأوثان فأبوا، فأبوا لأن عرفوا أن لا إله إلا الله لا معنى، ليس بمعنى لا رب إلا الله فقط، بل الإله والمعبود، بمعنى أنك لو قلت لا إله إلا الله لابد أن تعبد الله وحده لا شريك له، ولا تشرك به شيئا في محبتك لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب من؟ كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله عز وجل. لماذا سمهم الله أو سمهم الله عز وجل مشركين؟ لأنهم أحبوا غير الله كما أحبوا الله، فسووا في محبة العبادة، أحبوا الله وأحبوا الأصنام، كانوا يحبون الأصنام وكانوا يحبون الله، ولذلك اتخذوا أندادا من دون الله. فالمشركون أبوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا، قالوا لا، عرفوا أنك لو قلت لا إله إلا الله، ولأنهم لو قالوا لا إله إلا الله لا يجوز أبدا أن تصرف عبادة من العبادات لغير الله، سواء كانت عبادة محبة أو الخوف أو الرجاء أو الصلاة أو النذر أو الذبح، لا يجوز أبدا. الموحد لا يصرف العبادة إلا لله سبحانه وتعالى جل جلاله. وفي هذا اليوم كثير من المسلمين من المنتسبين إلى الإسلام الناطقين بلا إله الله ما فهموا المعنى كما فهم المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ لأنهم لماذا عبدوا سيدي عبد القادر وسيدي فلان وسيدي علان؟ لماذا هم متجهين إلى السحرة وإلى الكهنة؟ والآن كثير من المسلمين يعانون بهذه المشاكل، كم من الأبناء والبنات، من الأبناء والبنات يعانون من هذه الأمور، من السحر، من الممسوسين والمسحورين. كم من البنات لا تستطيع أن تتزوج بسبب هذه؟ اتفضل. الله أكبر، الله أكبر. نحن القطع. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة محمدا وسادنا الله. إذا نكمل الموضوع إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة. إذن قلنا معنى لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل كما قال ونص على ذلك العلماء. ففي زمان النبي قلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركون في ذات يوم كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وقلنا وسبب ذلك أنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم مثلا أبو جهل كان يعلم معنى لا إله إلا الله، فلذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قومه إلى نطق هذه الكلمة لأنها عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي رواية خالصا من قلبه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، والمشركون الذين عبدوا الأوثان والأصنام في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله كان ترك عبادة غير الله، عرفوا هذا وفهموا هذا. ومع الأسف الشديد في هذه الأيام، ولذلك العلماء من قديم الزمان علموا وبينوا هذه الأمة معنى لا إله إلا الله، والفرق بين معنى الرب ومعنى الإله، لأن مع الأسف الشديد كثير من المنتسبين في هذه الأيام وفي قديم الزمان الذين ينطقون بلا إله إلا الله ويشهدون بأن لا إله إلا الله ما فهموا معنى لا إله إلا الله، فعندهم معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله ولا رب إلا الله، وهذا غلط، لأنهم يفهمون ويفهم من هذا التعريف للا إله إلا الله أن الشرك محصور في التوحيد الربوبية، وهذا غلط. ماذا قال الأنبياء والرسل لما وصلوا إلى قومهم؟ قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، هذا كانت رسالة الأنبياء، اعبدوا الله ما لكم من إله غير الله. إذن رسالة الأنبياء من أولهم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى عبادة الله جل جلاله، فلا يجوز لنا عبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كان يجوز لهذه الأمة ولا يصلح لهذه الأمة عبادة نبيهم، فكيف نعبد غيره؟ إذا كنا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام المتقين والقدوة والأسوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث آنفا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية قال أن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل رأيتم أحد يستطيع أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتقرب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام؟ لا، لا يستطيع أحد. فالله سبحانه وتعالى حمى وحفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريما قطعي اتخاذ القبور مساجد، وبلادنا مملوءة حتى في صفة وكيفية دفن الميت والقبر في بلادنا. رأيتم ولاحظتم البناء، كيف البناء فوق المقابر، وقد حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الفعل حماية لحدود توحيد الله سبحانه وتعالى. فعلينا جميعا بالرجوع إلى توحيد الله عز وجل، وأن نوحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، ونوحد الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والتوبة والصدق والإخلاص، فهذه من أعمال، من الأعمال التي ذكرناها من أعمال القلوب، كلها لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه، واسمعوا إلى هذه الآية، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: قل لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، لقد أوحي إليك هذا وإلى الذين من قبلك. فقد أوحي هذا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الآية تدل أن هذا قد أوحي إلى الأنبياء قبله. دين واحد، إسلام عام، دين واحد. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا له: لئن أشركت ليحبطن عملك، خلاص. وفي آيات أخرى يقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن حج وصلى كل حياته وأعطى الزكاة كل هذه السنوات وأشرك بالله بشرك أكبر ليحبطن عمله، حبط عمله، حبط عمله. لأن كيف إذا كان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الخطاب للنبي، لئن أشركت ليحبطن عملك. فقال العلماء في تفسير هذه الآية، قالوا يمتنع، مستحيل أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في شرك من أنواع الشرك، هذا ممتنع، مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في الشرك، لكن الله عز وجل ذكر وقال وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما بالكم فينا نحن، فما بالكم فينا نحن دون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي هو مستحيل أن يقع في نوع من أنواع الشرك، هذا مستحيل، وهذا إجماع المفسرين بلا خلاف على هذه المسألة، إجماع المفسرين. وهل نحن معصومون من الوقوع في الشرك؟ لا أبدا. والدليل على هذا أن هذه الأمة ليست معصومة من الوقوع في الشرك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وتعبد فئة من أمتي الأوثان. لا تقوم الساعة بمعنى أن من علامات الساعة ومن أشرات الساعة رجوع بعض المسلمين إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يلحق حي من أمتي المشركين وتعبد فئة من أمتي الأوثان فهذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك كنت أذكر نفسي وأذكر إخواني أن أهم شيء تحقيق العبودية وتحقيق كلمة لا إله أهم شيء في حياة المسلم لو كان الإنسان هو مهتم بالصلاة وبالزكاة وبأركان الإسلام لابد أولا أن يهتم بالركن الأول من الإسلام ألا شهادة أن لا إله إلا الله وكم من المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله فعندهم الإله هو الرب فقط والإله كما قلنا هو المعبود فمعنى لا إله إلا الله وتعرف لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وغير الله إن عبد فبباطل وهذه دعوة الأنبياء والرسل ودعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختاما لماذا نحن في هذا الحال؟ لماذا كثير من المنتسبين إلى الإسلام ومن أبناء الإسلام وبنات المسلمين يعانون من هذه الأشياء التي تحزننا وتؤلمنا كل هذه المصائب التي أصبنا بها بسبب عدم تمسكنا وتعلقنا واعتصامنا بحبل الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية كم من المسلمين لما أتوا من البلاد أتوا بالسحر أين الكهنة والسحرة بلادنا مملوءة من هذه الأمور فنكتفي بهذا القدر والله أعلم on a un peu tardé mais c'est une parole qui est très importante parce que je termine à la fin donc parfois on fait des paroles en arabe pourquoi parce qu'à force de parler en français on va en oublier l'arabe et puis il y a des fidèles qui sont arabophones donc ils ont besoin eux aussi de comprendre et qu'ils ne soient pas délaissés donc c'est pour ça que parfois moi c'est parce qu'on ne me demande pas mais si il y a des mashaykhs qui veulent des assises qu'en arabe tfaddalou ya mashaykh. On lit des livres qu'en arabe, c'est plus simple, hein, parce que la traduction, ça nous prend du temps. Si on lit qu'en arabe, on peut lire des livres. En une année, on va étudier plein de livres. « Wa nata'ammaq fi masail al-salah » sur les questions de prière. « Nata'ammaq »« Wa nufassil al-masail fi tasheeh al-salah » dans la correction des prières, dans tous les détails de la prière. « Fi tawhid al-ubudiyya » En arabe, ça va plus vite. On peut, si les mashaykh, ils sont... Ils sont motivés, Inch'Allah. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il ne faut pas nier qu'il y a des mots, ça vient de nous. C'est à cause de nous-mêmes. Aujourd'hui, pourquoi je parle de ça ? On a beaucoup de frères, on a beaucoup de sœurs qui sont touchés. Il y a des filles qui n'arrivent pas à se marier. Il y a des garçons qui n'arrivent pas dans leur vie. Il commence sa vie professionnelle, un travail, il n'arrive pas à tenir son travail. Il essaie de fonder une famille, il n'arrive pas. À fonder une famille. Il y a des femmes qui essaient dans la vie professionnelle, elles n'arrivent pas. Parce qu'ils sont touchés par un mess. Tous ces mots-là sont venus de nos pays. Combien il y a de familles, et je suis sûr que vous connaissez cela, qui ont accueilli des gens de la famille, à la fin, lorsqu'ils sont repartis, ils ont retrouvé des nœuds chez eux. Ils ont retrouvé des sihr chez eux. Al-Maqabir, nos cimetières au bled, même ces sorcelleries, ces sortilèges, vous les retrouvez dans les tombes. Même l'oua. Et après, on nous dit, « At-tawhid qad fahimnahu. » Et maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui sont touchés, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont... Après, on ne va pas tomber dans un extrême. Ce n'est pas dès qu'on a des petits signes, on pense que... Là. Mais il y a des gens, véritablement, aujourd'hui, qui sont malades. C'est des causes de quoi ? Que leurs parents sont partis voir au pays... Des sorciers. Ma fille n'arrive pas à se marier. Est-ce que mon fils va réussir ses examens ? Alors aujourd'hui, beaucoup sont touchés à cause de ces Sahara. Pourquoi ? Parce que ma fahimna kalimat la ilallah. Si on avait compris depuis des décennies la parole la ilallah, on ne serait pas dans ces situations-là. Et maintenant, les gens, ils veulent ruqya. Il y a même des gens maintenant qui utilisent cela. Ils font des bureaux de ruqya. Les sahaba, ils ont ouvert des bureaux. Ruqya. 50 euros, 100 euros, 150 euros. Masakin. Pour le marda. Même maintenant, quelqu'un qui le fait gratuitement, les gens n'y croient pas. Sahaba, les savants nous disent, ils le faisaient occasionnellement. Wahad ken mrid, quelqu'un était malade, le prophète, Sam, il envoyait Sahaba, il lisait le Fatiha, il lisait une partie du Coran, occasionnellement. Lakin ma nadri, wa ma na'alam, celui qui a une information, il nous enseigne, lakin que à l'époque, min salafin as-salih, ils ouvraient des bureaux. Et les gens faisaient la queue. Et ça devient très cher. Et les gens sont dans le désespoir. Alhamdulillah, ils reviennent à la guérison avec le Coran. Alhamdulillah, ça veut dire qu'il y a du bien. Ils recherchent Shifa, Bikitabillah, Bikalamillah, Azza wa Jalla. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ? Nos maisons étaient pleines de shirk. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وآلي وصحبي اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم